Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission de Le Haut-Saint-François dans le Progrès de l'Est. Je réalise depuis plusieurs mois une version audio du Progrès de l'Est, journal qui a vu le jour à Sherbrooke le 25 août 1883. Je présenterai dans cette rubrique ces articles tirés du Progrès de l'Est qui parlent de ce qui se passait dans notre région à l'époque. Cet extrait, tiré de l'édition du 22 septembre 1883, nous parle de la formation d'une nouvelle paroisse à Saint-Malo d'Auckland. Sous peu, le nouveau curé y arrivera. Son père, de Whedon, vivra avec lui. Saint-Malo d'Auckland. Une nouvelle paroisse est en voie de formation au sein de ce canton, qui est peuplé presque exclusivement de Canadiens français. Il y a environ 75 familles catholiques. M. Étienne Gibault, riche cultivateur de l'endroit, a donné un beau grand terrain pour y construire la nouvelle église. La paroisse aura son curé résident dans une couple de semaines. C'est M. l'abbé Gendron, actuellement vicaire à Saint-Bernard-de-Rufford, qui a été choisi comme pasteur. On est à terminer les travaux de construction du nouveau presbytère. Le père de ce jeune prêtre, M. Louis Gendron, de Whedon, doit aller habiter avec son fils.